Ben, quatre, parce que c'est pair, déjà là. C'est pas impair. À quatre, on peut créer une discussion. À cinq, il y a toujours de la bisbouille. À trois, il y a de la bisbouille. Seul, il y en a aussi. Ça dépend des personnes. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive ma vie tout à l'envers? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire quand j'aurai le cœur tout à l'envers? Qui c'est qui viendra pleurer à ma place? On est toujours seul. On finit toujours avec sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça peut bien faire que je me prenne pour un univers. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire quand il n'y aura plus rien qui me fera rire? Qui c'est qui viendra mourir à ma place? On finit toujours avec sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que j'y vole à la vie mon père? Oh, pas trop fort. J'ai pas envie de mourir avant d'être mort. Oh, right. Je veux pas descendre avant d'être arrivé au bord. Donne-moi le temps de mon temps. Donne-moi le temps d'avant à respirer. Ça veut bien faire si je veux pas vivre la vie de mon père. L'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Quand c'est impair, n'invitez pas madame, mademoiselle, si vous savez que vous allez être un chiffre qui ne peut pas correspondre à la communication. Je m'explique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, vas-y. Mais pas 3, 5, 7, 1 encore, 7, 9, pas de chiffre impair. Il y en a toujours un qui sera exagérément exclu. Et wow, voilà, passer ça aux toilettes. Puis quoi que s'il y a trop de plaisir aux toilettes, ben là, vous allez en perdre trois à la fois. Un, trois, cinq. Toutes les impairs vont aller dans les toilettes, donc il va rester impair aussi à l'extérieur. Tout est impair fait sur cette terre. Oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

on sent le froid, hein? C'est pas chaud. C'est pas chaud, là, hein? Ce beau mois de janvier, là. Wow! Mois de janvier, goûtons-y, hein, oui. Pink Floyd, non, pas Pink Floyd. Moi, lâche-moi le Pink Floyd, mon psychédélico dépressif. Nirvana, nevermind. C'est un petit garçon. Les pochettes. On s'attend plus aux pochettes. Petit garçon dans l'eau qui court à pas de l'argent. Solitaire, héroïque, disperse dans l'océan, ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux, m'a lancé un défi, et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Aérienne. Je suis arrivé un beau matin de mois de mai, du mois de mai. Oh, c'est pas Marie-Mai, non, c'est Linda le mai. Oh, quelle horreur! Est-ce qu'on continue? Oui! Un, deux, trois. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai. Avec, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, moi, je fais des œufs tournés dans le beurre. OK, c'est toi avec les marapaces. Oui, marapaces dans la passion, exactement. OK, on y va. On continue. Okay. Enchaînez-vous, les petits garçons, les petites filles, restez en arrière puis criez. Ah! Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les baguettes que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier. Mais quand j'étais très fier. Et toi? Oh! Pas tant que ça, hein. J'avais vu le grand mammouth de Sibérie essayer de tronçonner Rocky Balboa et Rambo Bino. Il s'est fait avoir au deuxième round, hein. Il était pas prêt, lui. Il était comme Apollo, tu sais, dans le troisième, là, quand... pas capable de se rendre jusqu'à la fin, là. Ça n'a aucun sens avec ta chanson, mon Johnny. Ben, on aimerait ça poursuivre. On poursuit pas, on continue. On peut pas continuer, on n'a même pas fini. Ben oh non, on enchaîne, comme on dit dans le milieu. Ben là, toi, parle pour toi. Parce que moi, je reconnais qu'ils se sont déjà déchaînés sur cette chanson-là, pis ils sont morts sur scène. Tu parles pas de Molière. Non, c'est pas Molière, c'est Michel Barbeau. Oh mon dos. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les becs que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais qu'en fier de moi, j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, juste derrière moi, oui, j'ai entendu rire un type que je connais pas. C'était qui? Ah ben c'était le rip du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rip du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Non, sans balayer la foudre, oh non, en chantant simplement quelques chansons d'amour. A fait un cœur de troubadour. Ah oui, sérieux? Très sérieux, mon homme. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier. Pas présenté. Ah oui, j'étais pas gêné parce qu'on m'avait dit c'était à ton tour. Alors j'ai dit au suivant. Au suivant. Quand toutes les suivantes d'amour pourront chanter cette chanson d'amour. Non, c'est pas ça. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier. Moyennant dit ça qu'il m'a dit je peux vous aider. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, retournant chez moi en bas de l'affiche. Mais quand ils m'ont dit que j'étais bon pour 18 mois, à ce moment-là, oh non, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose en arrière. J'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la poudre, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment avait un cœur de troubadour. Pouit, pouit, pouit. Le rire du sergent, tout le monde ensemble. La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, la mère de printemps, m'a fait comprendre comment gagner des galons. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner des galons. Sans balayer la foudre, en chantant simplement quelques chansons d'amour.

Hein? Donc, j'ai des réalisateurs avec moi, qui sont les réalisateurs d'un film qui s'appelle Planète San Severino. C'est un documentaire qui a été fait sur moi, qu'on peut voir sur le net. Ouais. Et qui ils m'ont suivi pendant 4 projets différents, pas tout à fait en même temps, mais qui se chevauchaient un peu. Ah, ouais. Donc, et ce film, il parle du travail. Et moi, j'aime vraiment montrer comment elle travaille pour arrêter de dire « Ouais, nous, on se lève le matin dans notre piscine, puis on écrit un tube, puis on gagne 200 000 euros. » Et puis après, on va le soir dans des boîtes danser et baiser des mannequins. Ça, c'est l'idée que... Bon. Bon, alors évidemment, c'est pas l'idée qu'on se fait de moi, mais c'est l'idée, c'est une vieille idée de du show business 60-70. Alors que c'est un travail, et les gens, par exemple, quand ils te voient pas à la télé, ils disent « Mais vous faites plus de musique ?» Ah oui, c'est sûr, la télévision amène une certaine adhésion. Ouais. Et si t'es pas à la télévision, tu n'existes plus. Non, pourtant, quand tu fais de la tournée, tu peux le pas diplôme, être à la télévision. Le diplôme, c'est la télévision. Ouais, le diplôme de chanteur. Ouais. Non, c'est faux, mais pour certaines personnes après la fois les gens ils connaissent pas. Tu vois, les gens qui me disent ça, je leur dis, mais vous savez, je fais de la musique quand même, j'ai 100 concerts tous les ans. Ça fait un concert tous les 4 jours. J'ai donc pas le temps de faire autre chose. Je ne pense qu'à ça. Tout le reste. Des disques aussi, disques tournés. Oui. Donc tout ça, c'est mélangé. Il faut pas aller à studio aussi pour les faire, ces chansons-là. Ouais, passer du temps. Moi, j'ai un espèce de mini studio chez moi dans lequel j'essaie des trucs. Okay. Alors, en ce moment, j'essaye des percussions que j'avais jamais fait avant. Donc, je fais 4 mesures d'un morceau, puis je mets. Et puis, je me dis, pourri ou pas, ou bien. Alors, c'est toi le premier qui choisis là-dedans. Voilà. Il amène le courrier à l'adresse de celui ou celle à qui tu vas enfin déclarer que tu l'aimes depuis des millions d'années. Bénévole en vélo, il vole de ville en ville, messager à deux roues pour l'être indélébile, un postier comme ça, même en rêve, ça n'existe pas. Charné, roule le bitume toute la journée. Il attendra pendant des heures entières que réapparaisse le destinataire. Et s'il n'est pas chez lui, ne se manifeste pas, il va dormir dans le coin et reviendra le lendemain. La canicule, la neige, la grêle, le vent, la distance, le dénivelé, la pluie, les éléments n'ont aucune forme d'incidence sur le Gino Bartali de la correspondance. Faut que toutes ces missives aient de l'importance. Il trimballe pas les factures ou les contredanses, comme il traverse le pays en bicyclette. C'est pas pour une romance de starlet. Faut qu'il y ait du solide, du vrai, à l'intérieur de l'enveloppe du mystère et de l'amour, car la sueur qu'il aura donnée pour arriver est aussi précieuse que le paquet. Demain, un autre voyage sur une autre route pour un autre message. Derrière lui s'étalent les montagnes massifs de la Chartreuse et bientôt la campagne de la Drôme brûlante sous le soleil pour filer vers l'Ardèche. Il a jamais sommeil, les annonces de naissance, déclarations d'amour arriveront un jour ou l'autre, il ne sait pas la date. Karma du facteur pirate. Ici, ça passe aux douanes, comme je dis souvent. Ouais. Là, tu demandes à d'autres personnes c'était pas le seul à voir. Ouais, généralement après c'est ma femme qui écoute. Oh, ok. Ensuite mes enfants. Ta femme? Oui. Ok. Et ensuite mes enfants. Ah oui, c'est vrai, elle est guitariste, hein? Non, ma femme, elle est psychanalyste en vrai. Okay. Mais elle est chanteuse. Voilà, elle s'appelle Cécile Richard. Okay. Et elle est chanteuse quand elle a des groupes. En ce moment, par exemple, elle en a pas, donc. Ok. Elle écoute de la musique. Et elle est psy. Voilà, oui, exact. Donc c'est déjà un boulot à part entière. Ouais. Elle écoute. Elle a écouté tous mes projets et. Ensuite, je vais faire écouter ça à des gens plus jeunes. Okay. Son fils, par exemple, qui aime la musique électro. Alors lui, il y a des trucs qu'il ne va pas aimer, ou, peut-être, ou pas. Ensuite, mes enfants à moi, mes grandes filles, qui ont 25, 27 et 17. Ah, c'est oui, bah, dans, donc après, fait, là, je descends de génération. De... Là. Ouais. Et puis après, bah, c'est les producteurs. Est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas? Est-ce que c'est viable ou pas? Mais eux, c'est plus sérieux, là. C'est pas sérieux, mais... Oui, mais je leur donne pas un truc... C'est-à-dire, je leur fais écouter quand c'est parfait, quoi. Ok. Je dis pas, tiens, j'ai une idée, je ferais bien une chanson. Alors, sur t'as des maquettes les... assez bien réussies. Ouais. Oui. Alors, t'as aucune gêne à présenter quelque chose? Non, pas du tout. Si j'ai une gêne, je le fais pas. Ok. Mais en même temps, les gens qui écoutent, est-ce qu'ils disent, ben ça ici, peut-être c'est plus tranquille, tu devrais modifier Oui. Alors du coup, j'écoute. J'écoute. Je me dis, si lui, il a pensé ça, il fait partie de l'équipe, alors je vais essayer de ralentir, comme il me dit, et de faire un truc plus calme. Et après, je lui dis, regarde, j'ai fait le truc plus calme que tu m'as dit. Et s'il me dit, non, c'était mieux avant, alors à l'intérieur de moi, je fais, yeah! Ouais, c'est ça. mais c'est de l'humilité, ça. Quand même, après autant d'années, te dire que, ben peut-être que je peux pas avoir tout le temps raison. Oh, bon, non. On peut pas. Bon. Mais, alors, t'es prêt aux critiques de tes proches? Oui. C'est après, il y a des gens que j'écoute pas. Okay. Les gens du public, je m'en fous, ils sont juste là pour payer. Non, c'est pas vrai. Non. Je veux dire, des fois, on me dit « Ah, mais vous devriez faire tel truc. » Alors, je réponds poliment « Ouais, avec plaisir. » Et puis après, je dis « Bon, j'ai essayé, j'y suis pas trop arrivé. Okay. » Tout le monde peut rentrer dans l'équipe, en fait. Ouais. C'est assez simple. Hein. Oh, oui. Qui m'aime me suit. Parfois dans la radio, j'entends ma grosse voix. C'est pas souvent, faut dire. Enfin, ça arrive parfois. Je me dis qu'avec une voix comme ça, on ne peut pas chanter l'amour. Faudrait plus de trémolo, du feeling, du vibrato. La fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche non plus. Seulement mystère et boule de gomme, c'est pour celle-là que je me sens un homme. Quand je la vois qui vient vers moi, ça me fait des frissons. Quand elle s'éloigne de moi, je me retrouve tout con. Dans son visage, c'est merveilleux. Elle a une bouche et deux yeux. Et puis aussi un menton et un nez avec un front. À gauche, une petite oreille cachée par ses cheveux. À droite, une petite oreille aussi cachée par les mêmes cheveux. Quand elle est en pantalon, on voit son derrière tout rond. Quand elle met une robe, on le devine, c'est excitant. Et puis ses seins qui sont deux, heureusement qu'ils sont pas trois. Sans ça j'aurais jamais assez de doigts pour jouer avec quand il fait froid. Là où c'est super bon, c'est difficile à décrire. Les images, les comparaisons, c'est vraiment jamais dans le ton. Autrefois dans une autre chanson, j'ai dit qu'elle avait un ventre comme une plaine à blé mûr, mais ça faisait agriculture. Surtout que maintenant dans les champs, c'est vachement mécanisé. On voit dans les plaines à blé des moissonneuses, batteuses, lieuses. C'est pas une chose à souhaiter qu'elle se trouve sous un engin comme ça. Il vaut mieux pour faire l'amour ce que la nature a prévu pour. Je peux pas tout vous raconter, d'ailleurs ça serait déplacé. Et puis pas dépassé la limite des 3 minutes. Quand une chanson c'est trop long, les radios vous la passent pas. Moi j'ai beau avoir du cœur, il faut bien que je fasse mon beurre. Celui qui a fait ces couplets-là, il vous dit pour terminer que chacun prenne sa guitare et fasse sa propre chanson. Quand ce jour-là arrivera, j'aurai plus à venir comme ça vous faire entendre mes discours et mes chansons d'amour. Parfois dans la radio, la fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche, non. Parfois dans la radio, la fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche, non. Parfois dans la radio. Mais de tes albums, tu en as sorti quand même une bonne quinzaine. Ouais, j'en ai sorti 12 exactement. 12. Pour l'instant. Pour l'instant, là, il n'y a rien de terminé encore. Mais est-ce qu'il y a des chansons que tu ne chantes plus parce qu'il n'y a plus d'intérêt, elles ont mal vieilli, ou si... Oui, il y en a qui sont anecdotiques. Okay. Il y a des chansons que j'ai fait un peu, d'une manière un peu légère. Alors, ceux-là, je ne les conserve pas. Okay. Et après, il y en a qui sont trop durs à faire sur scène parce que la prod est un peu compliquée ou je ne sais pas quoi. Du coup, je ne les fais pas. Il y en a que j'arrive pas non plus. J'ai une chanson qui s'appelle Moi, Moi, Moi, dans le dernier album, là, où, oui. où je fais semblant d'être un artiste rempli d'autosuffisance. Et alors, comme, ça, on voilà, comme on en connaît. Et ça, j'y arrive pas. Chanter, okay, parce que bon. C'est chanter, c'est une espèce de chanter-parler en même temps. Oui. Et du coup, j'y arrive pas. Okay. Donc, celle-là, je la fais pas. Et puis, oui, généralement, dans une tournée, je fais au moins 80% de nouvel album. Et après, je reprends des vieilles si, on appelle des si okay, en ouais. France. Ouais. Une vieille chanson oh, déjà ouais. jouée plein de fois. Ouais. Et mais de ton répertoire. Mais de mon répertoire. C'est ça, ouais. Et alors, là, j'ai ressorti les embouteillages. Ah oui. Je ressortis Maigrir et la cigarette. Voilà. Mais l'embouteillage, ça a fonctionné à plein régime, cette ouais, chanson-là. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et puis, est-ce que tu trouves que tes albums, du premier jusqu'à maintenant, c'est sûr que le son a changé, mais est-ce qu'ils ont bien vieilli? Alors déjà, ma voix, elle a changé. Ouais. J'ai l'impression que mon premier album, où j'avais 40 ans déjà, ouais. j'ai l'impression d'avoir 16 ans. J'ai une voix toute claire et toute gentille et tout. Donc, mais sinon, je ne sais pas comment dire avec le vieillissement. Parce que pour moi, ça ne vieillit pas. Mais en fait, ça vieillit que si on les a trop entendus. Ouais. Ou les ouais, trucs ils sont qui brûlés, sont... Ils sont brûlés, ouais. Et ça vieillit que si elles sont trop hype dans une époque. Ouais. Si okay. par exemple, oh, oui, tôt, ouais, tu okay, vois, à l'époque des années 80 où il y avait ouais. un solo de sax obligatoire ouais. ou un solo de guitare métal absolument, ben, tu vois, ces chansons-là, elles sont dures à... Elles sont dures à... Il y a des espèces de codes dedans ouais. qu'on ne fait plus. Alors que moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de code. Mais ça se trouve, j'en ai. Hein. J'étais parti sur les autoroutes pour avaler des kilomètres, voir défiler seul sur la route les stations totales par la fenêtre. Les camions se doublaient coûte que coûte, parfois quelques millimètres. Parti pour des pays froids et blancs, mais pas trop loin sur la planète. Dormir la tête posée sur le volant et les deux pieds sur la banquette. Avant, la route est longue, mais sur la carte, sur le plan, elle ne fait que quelques centimètres. Mon carnet de route est plein de déroutes, de fausses routes et de flaques de mazout. Parfois l'auto apitoiement me dit qu'il faudrait peut-être éviter que la déprime et les bons sentiments ne viennent encore traîner dans mes guêtres. Regarder les choses vraiment et maintenant, arrêter de comparer les paramètres. Dans les plaines de l'Est, les ouvriers n'ont plus la main sur la casquette. Ils ne voient plus que les usines fermées. Les riches ont trouvé la recette. Leurs amis, les Babylones, ont les doigts serrés, bien collés sur la gâchette. De Ouarzazate à Katmandou, de Dunkerque à Barcelonnette, pourvu que le ruban noir soit doux, pas besoin de Chevrolet Corvette. Si le sandwich triangulaire est mou, tant pis, c'est pas mon jour de fête. Carnet de route est plein de déroutes, de fausses routes et de flaques de mazout. Mais toi, t'es un auteur, compositeur, interprète, mais est-ce que c'est la musique qui amène les mots ou les mots qui amènent la musique? Non, c'est la musique qui amène les mots. Et des fois, de temps en temps, coup de bol, c'est l'inverse. Okay. Bon, moi, j'écris beaucoup avec l'écriture automatique. Donc, ouais, c'est ça que je vais en venir. Donc, je remplis des pages, ouais. Et ça, ça peut me donner une idée. Ou sinon, si j'ai une musique et que j'ai pas d'idée, ben, je remplis des pages, okay. Et je vais garder des phrases qui seront des départs ou des thèmes. Alors, c'est les mots qui amènent les idées? Ah ben oui. Ouais. À la Gainsbourg, Gainsbourg disait, c'est, moi, c'est pas, j'ai pas d'idée, c'est les mots qui vont m'amener à une histoire, à quelque chose. Mais moi, ce que je dirais pour compléter ce truc-là, ou pour donner aussi ma phrase, c'est que pour moi, le thème, l'idée générale, ouais. Par exemple, le thème du fait qu'on s'accepte pas comme on est, chanson qui est traitée dans Maigrir, le fait que je me trouve trop gros ou trop mince, etc., ouais. Et ben, c'est, l'idée, c'est ça. Et c'est ça que j'ai du mal à trouver. Une fois que je l'ai, après, c'est moins dur. Ouais. Mais l'idée, est-ce que, tu vois, je me rappelle avoir eu l'idée à une époque de faire une chanson sur la politique franco-africaine, okay. Avec tous ces désastres et toutes ces, ouais. Tous, ouais. Et tous ces trucs, ouais. Et ben, j'y suis pas arrivé. Pourtant, okay. J'ai demandé à une journaliste afro-française, qui était loin d'être affreuse, non. Afro-française, et dans lui, et, ah non, mais c'est, je crois qu'elle était antillaise, pardon. Et alors, et je lui ai dit, explique-moi tout là. Ouais. Oh, et elle m'a parlé pendant 4 heures. Et j'ai cru avoir compris quelque chose à la politique mondialo-africaine. Non, c'est bien quand quelqu'un peut vulgariser. Oui. Qu'on puisse comprendre. Ah bah oui. Ah oui, parce que si ça avait été Mobutu le 14 janvier a dit ça à Léopold Sédar Senghor et tout. Ah, ça fonctionne pas. Moi, ce que j'aime bien dans les chansons, c'est quand il y a des dates et des noms de villes. Okay. Dans Papillon, j'ai plein de trucs comme ça. Le 14 juillet, oui. Il s'enfuit de son île et tout. J'aime bien ça. Parce que ça amène déjà un temps. Oh, bah, ça, tu vois directement là où t'es. C'est ça, c'est une position. Voilà. Le 12 juillet au Québec, tu vois très bien quel temps il fait déjà. Ouais, tu peux pas te glisser sur le trottoir. Donc, si oui, t'étais. Ouais, c'est que. Oh, ouais, t'avais fusionné avec du bon pinard, oui. Mais c'est super bien ce truc-là pour savoir où on en est. Tu vois, genre, tu as deux mecs, Bob et Michel, ils sont sur un trottoir de Nogent-sur-Marne au mois de juillet. Ouais. Boum. Ah, voilà. Là, okay, la mise en scène est là. Voilà, tout le monde voilà. Est placé. Ceux qui savent pas qu'à Nogent-sur-Marne, il y a la Marne. Bon, alors, ils comprennent moins, mais... Non, ils vont voir sur Google, voyons donc, aujourd'hui. Bah oui, enfin... On peut pas rester innocent. Ou si on veut l'être, ben tant mieux. Hein. Ouais. On va être manipulé plus facilement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu veux revendiquer encore, que tu veux présenter au public et qui te dérangent? Bon... Oui, tu sais, il y a toujours les éternels trucs. Oui, de toute façon, moi, je suis... contre l'hypocrisie totale. J'ai arrêté de critiquer les gouvernements, parce que maintenant, tu dis gouvernement, ouais. C'est le synonyme de menteur. Ouais. Donc maintenant, il n'y a qu'à juste à dire Macron, ouais, ouais. Ou des membres de son équipe, là, le gardien de but, l'avant-centre, etc. Tout est placé. Tout est déjà placé. Donc c'est plus facile pour nous de montrer qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Et moi, ce que j'ai plutôt envie de dire aux gens, c'est de continuer à résister, ceux qui baissent les bras, parce que arriver à 60 ou 55 ou même avant, fatigué par le truc, tu vois, ouais, je me suis déjà dit, oh putain, j'ai pas envie d'aller à la manif, je suis mort. Enfin, je me suis dit, bon allez, vas-y quand même, ouais. Reste pas tout le long, mais vas-y. Pourquoi pour montrer la solidarité que tu vois devant des personnes Non, parce que je veux pas me montrer, je m'en fous, c'est moi, j'y vais en tant que citoyen. Okay. C'est-à-dire, si on est tous à se dire, il pleut, j'y vais pas, du coup, bon, déjà qu'ils mentent sur les chiffres, quand il y a 500 000 personnes, ils disent qu'il y en a 100 000. Si en plus nous on n'y va pas, parce que oh, c'est crevant, ou j'ai envie de faire l'amour, ou alors je ne sais quoi. Mais c'est ça, si tu y vas, au moins tu le vois. Tu es, oui, tu et puis tu le vois, et puis ça y est, t'as participé. Et tu vois qu'il y a de la magouille médiatique parce que tu y étais. Ouais. C'est pas vrai qu'on était si peu, mais pour étouffer l'affaire. Et puis surtout, t'as fait quelque chose, c'est un peu comme d'aller voter. Aller voter, même si on vote, nous on a voté contre ouais. Et jamais pour. Non. C'est pour ça que quand le président actuel, dont je tairai le nom, ouais. Il dit vous avez voté pour moi pour cette chose-là, on est tous morts de rire. Ah, ouais. Puisqu'on a voté de toi parce qu'on voulait pas du fascisme. C'est ça. Bon. Entre une merde ou pire, on va prendre la merde. Oui. Voilà. Ah oui. Est-ce que tu crois que dans les bureaux que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruants, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment, ou ça aussi c'est du boniment? Y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoule les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé. Quand il se passe rien, tout va très bien, mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment, ou ça aussi c'est du boniment? Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini. Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment, ou ça aussi c'est du boniment? C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment. Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Y'a des questions. Bernard Blier. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Mais est-ce que tu trouves qu'avec les années, tes chansons te font du bien? Écrire, ça t'exulte, ça te... Et maintenant que je donne des... Je fais pas des... Je donne pas des cours, mais je fais des espèces d'ateliers. Ah oui, il y en a plein. Qui... Oui. Et alors ça m'éclate. OK. Parce que tout le monde écrit, moi aussi, en même temps que les autres. Je fais des sessions de 15 ou 20 minutes d'écriture automatique avec interdit de s'arrêter. Si tu peux boire un peu de ton verre d'eau. Tu utilises ton style à toi. Oui, mais les gens trouvent le leur. Oui, ouais. Oui. Mais j'en profite aussi pour chercher d'autres trucs, quoi. Ouais. Parce que je propose aux gens de réparer leurs chansons qu'ils ont ratées. Ah, c'est bien. Donc, ça veut dire que chacun fait son impro. Ouais. Puisque l'écriture automatique, c'est de l'improvisation. Ouais. Donc, tu fais ça. Au bout de 20 minutes, on s'arrête. Tout le monde lit un peu ses trucs. Et puis après, je dis, ben tiens. Adrien et Monique, échangez vos feuilles et toi tu écris dans le style de l'autre. Ah ouais, ok. Et ça marche, les gens ils y arrivent. Ouais. À moins que ce soit vraiment trop dur. Mais, généralement les gens ils y arrivent et ils s'y collent et quand tu lis les deux trucs à la suite, bah, même les gens qui sont amateurs ils arrivent à recopier. Donc le style, c'est pas très important. Tu peux copier le style de quelqu'un. Ouais. On peut copier le style de Gainsbourg, on peut. Ah oui, on peut, après c'est pas facile. Oui, oui. Non, mais ouais. tu peux copier. C'est comme en peinture, on peut faire comme. Voilà. Rembrandt, on peut faire comme. Mais en même temps. Mais en fait, tu n'auras jamais la patte de celui qui l'a non, fait. Ben non, ben mais non, utiliser ça. Des trucs techniques, ouais. Oui. M. Solar disait imitation égale limitation. Oui, bah ben, ouais. Ouais. Ouais, très, très juste. Est-ce que tu trouves, lorsque tu écoutes tes disques, tes 15 disques, qu'aujourd'hui, le style musical a changé ou si c'est des chemins que tu n'empruntes plus, mais. Qui sont encore fidèles à tes origines? Oui, puisque mes origines, c'est de jouer. Ouais. Donc, moi, ce que je veux, c'est quand j'écris une chanson, c'est de pouvoir la jouer et que ce soit qu'on soit dans un bar ou dans une jolie salle comme ici, que ça joue, quoi, que les gens ils entendent le rythme, alors ils tapent dans les mains ou ils swingent du pied ou de la main, et puis qu'ils écoutent le texte parce que ça leur parle, et puis qu'ils se disent toi, j'ai une chanson qui s'appelle Je n'en veux pas. Qui est sur tous les trucs genre qu'on a en ce moment là, le compteur Linky, le DF qui nous fait chier, etc. Les injustices qu'on peut avoir ici, ouais. Et finir dans un EHPAD, ben moi je dis que c'est pas ça que je veux, et puis tout le monde est assez d'accord, bon sauf quand t'es obligé d'y aller, parce que tu peux pas faire autrement, mais a priori. Ça nous réunit en fait. Les thèmes chantés là, ils nous réunissent et en même temps, on est là. C'est le principe de la musique, c'est-à-dire, tu tapes un peu du pied et puis t'écoutes un truc. C'est vrai. Si tu veux juste écouter la musique, ben, y a aussi d'autres styles. Ouais. Mais ce que j'appelle la chanson, c'est qu'il y a un. Mais quand tu écoutes Nine Inch Nails, c'est aussi très intéressant ce qu'il y a à écouter. Oui. Mais ça s'appelle pas chanson. Non. Ce qui est bête, pour moi, Iggy Pop, c'est de la chanson. Ah ouais. Et Tom Waits aussi. Ouais. Comment il s'appelle Nick Cave? Il s'appelle Nick Cave. Nick Cave, ben oui, il est de Batsy. Charlebois, notre ami. Oui, oui, bien sûr. On va mettre un Québécois. Et moi, je suis un grand fan, alors je ne veux pas failloter et tout, mais là, les chansons de Félix Leclerc, ah oui. C'est splendide. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris, que la cité a exclu, la rue, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui, dans ses yeux absents d'enfant, ne passe que l'effroi du temps. Pour descendre et remonter, 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre, le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable, un geste, un mot, un sourire, pour le raccrocher à nous. La vieillesse nous fait frémir. On ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle. Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin. Quand je serai vieux et tout seul, demain ou après-demain, je voudrais comme celui-là, au moins une fois par mois, avec mes sous si j'en ai, m'acheter une glace à deux boules et rêver sur leur saveur. Un monde rempli d'enfants, mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes, et sans attendre à refaire le présent. Je donne à ceux qui sourient, et combien le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler du bon temps. Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent. À un moment donné, tu avais dit dans une discussion, je crois que c'est à la radio, sur France Inter ou Radio-Canada, tu disais que toi, il faut vraiment mouiller la chemise quand on joue. Il faut... Oui. Oui, il faut. Et ça n'a pas changé. Non. Moi, si je suis pas fatigué après un concert, c'est vraiment un hasard. OK. Sinon, je dois être mort, quoi. Mais toi, la tournée, ça doit t'épuiser. Bah oui, mais je dors le plus possible. Okay. C'est le sommeil. Après, j'avoue que je suis pas très fan de boire de la tisane. OK. Donc, j'aime bien boire des bières après. OK. Mais j'en bois pas jusqu'à 5h du matin. Non, ouais. 2 heures après, je suis mort. OK. Après le concert, okay. Je finis à 11h. Je fais le concert jusqu'à minuit, et à 1h, je suis dans mon hôtel et je fais... C'est pas version Arnaud. Non. Mais non. Mais après, il y en a qui tiennent le coup avec ça. Oui. Mais non, ni Lavilliers qui se couchait, pas d'ailleurs. Scotch, puis Alonso, voilà. Claude Nougaro avec le rouge, puis... Voilà, donc eux, ils sont... Bon, ils ont un certain problème avec l'alcool, on peut le dire, maintenant, qu'ils sont décédés, Ça les a emportés. il faut qu'il y ait de l'énergie, comme l'énergie, elle est communicative, bah, je peux pas faire, allez les gars, tout le monde debout. Il faut vraiment que ce soit l'énergie. Et est-ce que c'est la foule souvent qui te ramène ça, comme l'océan, la vague arrive sur toi? Non, c'est moi qui le décide. Okay. S'il y a une salle de gens totalement excités, j'essaie de les faire monter. Okay. Et s'il y a une salle de gens assis et moroses, j'essaie de les mettre debout. Okay. Est-ce que c'est difficile de travailler ça? Parce que le public du lundi, c'est pas un public du samedi. Ouais. Ben. J'ai l'impression que j'arrive et puis de temps en temps je rate. Okay. Mais la plupart du temps, c'est pas facile, mais c'est possible. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas dire allez, faites du bruit ou tous ces plans-là, là, vous êtes avec moi, etc. Tu vois, tous ces plans-là, j'essaie de pas trop les faire. Je fais certains trucs qui sont un peu la base, mais j'essaie de pas dire aux gens, si je leur dis de se lever, des fois quand je vois qu'ils se lèvent pas, et puis surtout, je me moque de ceux qui se lèvent pas. Ouais. Donc ceux qui sont debout sont vachement contents faire partie de la caste. Non, de ceux qui sont... Ce qui emmerde les gens qui se lèvent pas, c'est les gens qui se lèvent en avant. Ah ben donc ils voient plus rien. Ça commence à arriver. Ouais. Ici, ce soir, ça va être un peu ça, parce que comme les sièges sont fixes et tout, tu peux pas bouger les 14 premiers rangs. Puis ce qui est bien, c'est que ton petit côté acteur va revenir. Là. C'est un théâtre. Ouais. J'ai déjà joué ici avec Marcel Azzola il y a longtemps. Ah oui, et puis c'est une salle qui te parle. Ouais, j'aime. Mais ça ici c'est l'ancienne salle du CE de la SNCF. Ouais. Donc c'est l'ancienne salle, c'est l'ancien théâtre pour les gens qui bossent au train quoi. Ouais. Donc c'est un truc d'ouvrier ici quoi. Mais c'est bien parce que ça te rejoint. Les ouvriers, c'est la base. Et toi, tu es de la base. Bah ouais, c'est un peu ça. Ah, oui. Voici une chanson portugaise qui s'appelle The House on the Pig. Les hommes venaient y boire et rêver dans la maison sur le port où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à l'Orient est perdu dans ses papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus, on dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pourtant je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Bien souvent avec les filles, j'ai pleuré, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours. Comme je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons voir pour oublier, puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort. On dit souvent que les chansons américaines sont cons. C'est vrai en partie, surtout pour celle de Madonna, mais il y a d'autres auteurs beaucoup plus intéressants. Par exemple, Tom Waits ou Johnny Cash. Je vais vous chanter une chanson de Johnny Cash traduite en français. C'est l'histoire d'un mec que son père a appelé Sue, qui est un nom de fille en fait. Sue, c'est le diminutif de Suzanne, qui veut dire Suzanne en français. Et donc voilà. Alors, plutôt que de vous expliquer ce qui se passait dans la chanson, comme il y a 68 couplets, j'ai tout traduit moi-même, avec une feuille et tout, et puis avec un dictionnaire. Et en appelant tous mes copains Merloc pour qu'ils me disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partir. Et du coup, voilà. Mon père s'est taillé quand j'avais 3 mois, il n'a rien laissé, ni à ma mère, ni à moi, que des bouteilles vides. Et cette vieille gratte-là. J'en ai jamais voulu être parti, mais la pire des saloperies qu'il ait faites en partant, c'est qu'il m'ait appelé Sue. Il a dû faire ça pour rigoler, par contre, c'est moi qui ai morflé, je peux te dire que j'en ai souffert toute ma vie. Quand les filles se moquent, je deviens tout rouge. Quand les mecs se marrent, là, c'est un coup de boule. Vaut mieux pas être mou quand tu t'appelles Sue. J'ai grandi vite, je suis devenu méchant. J'ai les points durs, l'esprit vif maintenant. Je trimballe ma honte de ville en ville tout le temps. Alors j'ai fait un vœu devant l'éternel. C'est chercher dans les bars et bordel pour trouver et buter celui qui m'a appelé Sue. C'était à Gatlinburg en plein été, j'arrive la gorge desséchée par la poussière. Je boirais bien une bière dans un vieux saloon plutôt tarte. Assis en train de jouer aux cartes, était assis le sale chien galeux qui m'a appelé Sue. Ce vieux chameau était mon petit papa, je l'avais déjà vu en photo une fois. Cette cicatrice, ses yeux, c'était lui mon vieux. Il était grand, fort et grisonnant, je l'ai regardé, ça m'a glacé le sang, puis je lui ai dit. How do you do? Mais maintenant tu vas crever! Je lui ai mis un taquet entre les yeux, il a même pas bronché un peu. Il a sorti son couteau et m'a taillé la peau. Je lui éclate une chaise dans la mâchoire et il dégage sur le trottoir. Il est toujours debout dans le sang, dans la bière, dans la boue. Toujours debout, dans le sang, dans la bière et dans la boue. J'en avais déjà cogné sur les gars, mais sur mon père, c'était la première fois, il bottait fort, et il mordait comme un porc. Je l'ai entendu rire, et puis plus rien, j'ai sorti mon flingue, il a sorti le sien, il me regardait comme ça, puis il a dit. Gamin, la vie, c'est ce qu'il y a de pire, tu dois être dur pour réussir, je savais que je serais pas là pour t'apprendre ça. Alors je t'ai appelé Sue, avant de partir, être un dur, ou bien mourir, si t'es un homme mon gars, c'est à cause de ce nom-là. Battu comme des chiens, toi et moi, tu me détestes et t'en as le droit. Et je t'en voudrais pas si tu me descendais là maintenant. Mais avant de faire ça, remercie-moi pour tous les pavés et les crachats, car je suis le fils de pute qui t'a appelé Sue. Il a dit, mon fils, j'ai dit, papa, on s'est regardé, on s'est jeté dans les bras, d'un seul coup j'ai changé la vie sur lui. Et souvent je repense à lui maintenant, il était gonflé, il a eu raison, et si j'avais un garçon. m'appellerai pas ni Bill ni George, encore moins Nicolas ou bien Carla. En tout cas, j'appellerai pas Sue, certainement pas, je peux toujours pas, ça qu'est ce nom là. Quelque chose comme ça, travaux forcés puis évadés, je serai repris et sévèrement puni. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les mains pleines à craquer de faux talbans, sentir le bruit du papier neuf, l'odeur de l'encre à pleine main. Dans ma putain de chienne de vie, juste une fois, avoir au moins une effrayante, une inquiétante quantité de faux talbans. L'arrestation, le tribunal, la réclusion, c'est non. Je ne veux pas goûter à la douceur glaciale du grand confort carcéral, ni à Perpète, ni au Beaumet, à Fleury, à Cayenne ou bien à Fresnes. Alors je freine mes pulsions, on verra bien des faux talbans. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les mains pleines à craquer de faux talbans, jusqu'à la coupure frotter le papier neuf sur le côté, et l'agréable sensation un peu gênante d'avoir enfin, d'avoir enfin enfreint la loi et l'interdit, on verra bien les faux talbans. Le fastidieux, droit chemin, est un repère de pousses mégots, de méchants caves et de faillots. Ils sont attendrissants et beaux avec leurs petits paletots de l'Odène sur le dos bien peignés. Ils rêvent à tout sauf d'avoir une fois en main des faux talbans. Dans un colcos ou quelque chose comme ça, travaux forcés puis évadés, je serai repris et puis sévèrement puni. Le cœur serré, l'estomac noué, le rouge aux joues, je joue à faire des trucs que j'assume pas, on verra bien les faux talbans. Les faux talbans, les faux talbans. I'm gonna go.